Les phares et les îles par Hélène Ourgan. Texte atramenta.net. Enregistré par Christiane Johan pour audiocité.net. Les phares et les îles. Je t'emmènerai voir les phares et les îles d'ici et d'ailleurs. Nous filerons sur les routes de Bretagne, à la poursuite des nuages, sous le ciel bleu ou sous la pluie, du phare du Tréguier au phare de Saint-Malo. Nous grimperons jusqu'à leur lanterne pour voir la mer encore. D'en haut, sous le soleil, elle semble si douce et pétillante. Elle danse et lèche les rochers à leurs pieds, les violente parfois en sa furie de tempête. La mer lave les larmes et les malheurs, la mer efface les mauvais rêves, et jette ses gouttes irisées sur une autre vie. Nous marcherons dans les sentiers douaniers, sur les traces des écumeurs, les joues fouettées par le vent qui se carapate le long des côtes dentelées. Nous contemplerons le vol des caravegues, mouettes, qui souvent se posent sur l'eau, ballottées comme de minuscules bouchons blancs au creux des vagues. Dans les gargotes côtières, nous dévorerons de ces fruits iodés arrachés à l'océan. Le vin blanc léger avivera les étoiles de nos yeux. De l'île aux moines et sa croix dormante, jusqu'à Bréa fleurie, nous irons jouer les naufragés sur les îles peuplées de touristes. Pendant qu'au-dessus de nous, les gouriots, goélands marins, n'en finiront plus de planer dans le ciel des terres tourmentées. Nous atteindrons le bout de la terre, si près d'où est sang la sanglante. Puis je t'emmènerai dans les îles aux oiseaux pour contempler Margaode, fou de Bassan, Morvran, Cormoran, et Boulig, Macareux, en nous étourdissant de leurs cris marins. Sur ces îles, nous dormirons dans le bercement du ressac, en sommeil de tendresse, enlacés jusqu'à la naissance du jour. Je ne sais pas ce que je verrai des phares, je ne sais pas ce que je verrai des îles, ni de la mer et du ciel, puisque je ne regarderai que toi. J'aurai 15 ans et mon premier amour. Fin de Les phares et les îles par Hélène Ourgan. Illustration musicale So Far To See de Pascal Krieg, édité par Musique Libre-CC, tout droit réservé. Le texte d'Hélène Ourgan est sous licence Partage Libre.